espèrent tous d'avoir une vie de rêve. Mais on revient les pieds sur terre, car ici on crève. On espère tous de vivre heureux. Mais combien d'entre nous traînent avec la poisseuse? On espère être libre dans cette société, mais regarde un excès de vitesse et il faut raquer. On espère vivre le plus vieux possible, mais trop se font tuer avant l'heure, ça devient horrible. On espère trouver l'amour de sa vie, mais oses-tu à chercher enfin une bonne raclée? On espère travailler pour amener à manger, mais le taf devient rare, y'a plus de débouchés. On espère étant petit qu'on sera millionnaire, mais on s'aperçoit vite que gagner de la maille c'est galère. On espère qu'en chantant on deviendra connu, mais la route est longue pour être connu. On espère, on rêve d'une vie de rêve, mais on retombe vite fait les pieds sur terre. On s'aperçoit qu'il y a moins de bonheur que de misère, car sur cette terre c'est marche ou crève. On galère jusqu'à ce qu'on soit 6 pieds sous terre. On espère, on rêve d'une vie de rêve, mais on retombe vite fait les pieds sur terre. On s'aperçoit qu'il y a moins de bonheur que de misère, car sur cette terre c'est marche ou crève. On galère jusqu'à ce qu'on soit 6 pieds sous terre. On rêve de champagne, grosse berline, grosse bécane, mais on ne possède que le mousseux 206 sur route de campagne. On rêve de vacances sur une île paradisiaque, mais tout ce qu'on fait compte c'est le hall de nos baraques. On rêve d'une vie à la Scarface, mais l'argent monte au cerveau et à la fin on se fait death. On rêve de témoins, les échelons, mais on régresse, on devient de moins en moins bon. On rêve de quitter ce pays, trouver une vie meilleure, et sur cette terre c'est l'enfer, Satan est notre père. On rêve de Géchamp, ce putain d'état de merde, mais bon j'ai pas voté, car j'ai pas de temps à perdre. On rêve, on espère que nos gosses soient heureux, mais tout ce qu'on leur montre c'est qu'on est malheureux. On rêve, puis on crève, mais tout ce qu'on veut c'est le bonheur sur la vie de rêve. Are you there?